Alors, je sais pas ce que je vais parler à soir, fait que je vais pas commencer, fait que je vais découvrir au fur et à mesure que j'avance. Chaque personne possède une vibration maîtresse. Chaque être humain possède une vibration maîtresse. Et la vibration maîtresse d'une personne se fait sentir plus cette personne devient mentale, c'est-à-dire plus cette personne devient intelligente, c'est-à-dire plus cette personne devient consciente de son besoin. Je continue toujours dans l'affaire intelligente. Plus une personne devient consciente de son besoin dans la vie, plus elle prend conscience de sa vibration maîtresse. Il ne s'agit pas d'approcher le phénomène de la vibration d'un point de vue philosophique parce que ça ne donne rien. Il s'agit d'approcher le phénomène de la vibration du point de vue du point de vue purement vibratoire, c'est-à-dire du point de vue qui coïncide avec le développement chez l'homme d'une nécessité fondamentale de ne plus souffrir dans la vie. Et ne pas souffrir dans la vie, ce n'est pas facile. Quand tu es inconscient, tu souffres d'une façon différente que lorsque tu es conscient. Mais lorsque tu es conscient, tu souffres d'une façon plus aiguë que quand tu es inconscient. Et plus tu deviens conscient, plus tu es apte à souffrir d'une façon aiguë, c'est-à-dire d'une façon qui t'amène éventuellement à reconnaître, à découvrir chez vous ton intérêt vital, c'est-à-dire le besoin que tu as pour vivre, pour connaître, pour apporter vers toi dans la vie le matériel d'expérience dont tu as besoin pour être heureux. Être heureux, ça ne se définit pas. On peut décrire psychologiquement ce que ça veut dire être heureux. Mais être heureux dans le sens de l'intelligence, être heureux dans le sens de la conscience, être heureux dans la science, dans le sens vibratoire, ça ne se définit pas. Mais ça se réalise. Et ça se réalise au fur et à mesure qu'on réalise dans notre vie qu'il y a des obstacles qui nous sont imposés, auxquels on devient de plus en plus sensible au fur et à mesure qu'on développe l'hypersensibilité qui provient du contact entre nos corps subtils et la volonté cosmique. Autrement dit, l'énergie de l'intelligence, autrement dit, la volonté de l'ajusteur de pensée ou la volonté des forces en nous qui sont cosmiques et qui construisent un pont entre notre nature inférieure et notre nature supérieure. De sorte que plus on devient sensible, plus on devient hypersensible, plus on devient vibratoire. Plus on devient vibratoire, plus on est sujet à souffrir. Et plus on est sujet à souffrir, plus on est sujet à découvrir ce qu'on a de besoin pour ne pas souffrir. Et on avance ainsi, comme ça, d'une façon perpétuelle, vers un point dans le temps qui coïncide avec notre intérêt vital, qui coïncide avec notre capacité de découvrir le désir qu'on a de besoin pour organiser matériellement nos vies, afin de pouvoir éventuellement, dans le temps, être heureux, c'est-à-dire ne plus être affecté vibratoirement par l'énergie cosmique qui pénètre dans les corps subtils et qui crée une tension vibratoire qui est à la source, à l'origine de la souffrance consciente de l'homme qui va vers la conscience supramentale. La découverte chez soi de la vibration maîtresse est proportionnelle à l'affaiblissement chez soi du corps de désir et elle est proportionnelle au développement chez soi de la volonté réelle. Plus le corps de désir perd de sa puissance, plus la volonté réelle, parce que la vie continue, plus la volonté réelle prend de la puissance, et c'est le réapproportionnement du corps de désir contre la volonté réelle, qui crée cette vibration majeure. Et cette vibration majeure devient le point d'appui dans notre psychologie humaine pour déterrer à l'intérieur des aspects de la vie les conditions vibratoires qui sont imposées cosmiquement sur nos principes subtils et inférieurs, afin d'en arriver éventuellement à développer un équilibre extrêmement robuste entre les forces cosmiques et les forces planétaires, c'est-à-dire les forces qui nous dirigent au niveau évolutif, et les forces planétaires, c'est-à-dire les forces qui font partie du conditionnement de l'homme au niveau matériel, vital, émotionnel et mental. L'homme doit découvrir l'équilibre robuste, et cet équilibre robuste-là est proportionnel à sa volonté, et il n'est pas défini par la nature de son intelligence. Il définit la nature de son intelligence. Le point que je veux faire, c'est que lorsque l'homme entre dans l'intelligence, son intelligence n'est pas définie par elle-même, elle se définit. Son intelligence, parce que son intelligence est un processus créatif, alors automatiquement cette intelligence se définit par elle-même lorsque le pont s'établit entre la volonté réelle et le contact entre cette énergie et les principes subtils. Autrement dit, la différenciation entre le corps de désir et la volonté réelle détermine l'intelligence que l'homme possède. L'intelligence universelle n'est pas une intelligence qui se nourrit d'érudition ou qui est nécessairement érudite. L'intelligence universelle, c'est une intelligence qui est créative dans ce sens qu'elle est proportionnelle, directement proportionnelle aux besoins immédiats de la psychologie de l'homme à l'intérieur du cadre de la vie présente de l'homme. Si le cadre de la vie de l'homme change, s'il y a des changements dans la vie de l'homme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si un jour l'homme doit devenir conférencier, si un jour l'homme doit devenir un scientiste, si un jour l'homme doit devenir quelque chose, cette redéfinition ou ce réajustement vibratoire de l'intelligence en lui se fera dans ce temps-là et ne sera pas connu de lui dans le temps antérieur. Ça, c'est important. De sorte que si vous cherchez à comprendre le phénomène de l'intelligence, ne cherchez pas à le comprendre en vertu ou en relation avec la fonction de l'intelligence que vous aviez avant dans le passé, lorsque vous aviez de la mémoire et lorsque vous vous serviez de votre mémoire pour mesurer le niveau de votre intelligence et pour donner à votre psychologie humaine un semblant quelconque de conscience humaine, intelligente et philosophique et psychologique, qui était le miroir d'une fausse personnalité et qui était le résultat naturel de la capacité naturelle imposée chez vous à l'intérieur de votre plan de vie, de la faculté de votre volonté mécanique. Lorsque l'homme développe et découvre sa vibration fondamentale, sa vibration maîtresse, il est à ce moment-là, maître de sa vie. C'est-à-dire qu'il est maître de toutes les capacités qui font partie de la relation entre son corps de désir et la volonté cosmique en lui qui est vibratoire. Et il est maître de développer cette relation aussi loin qu'il le veut. C'est-à-dire qu'il est maître de détourner à volonté son plan de vie. Il est maître de détourner à volonté les intentions ou les pulsions ou les influences des hommes à l'extérieur de lui, il est maître d'arrondir parfaitement sa vie et de créer sa vie, c'est-à-dire de créer son avenir au lieu de vivre d'un futur quelconque. Mais, pour devenir maître de la vie, pour pouvoir encaisser l'énergie de cette vibration maîtresse, il faut être très fort et la force vient avec le temps au fur et à mesure qu'on s'habitue à encaisser le choc vibratoire qu'elle crée, cette vibration maîtresse-là, lorsqu'elle entre dans nos corps et qu'elle crée dans notre corps de désir une jonction, c'est-à-dire un conflit, c'est-à-dire une condition de vie qui n'est pas acceptable à soi, c'est-à-dire une condition de vie que éventuellement on doit rejeter afin de pouvoir créer une condition de vie autre, créative, qui n'est pas délimitée par l'agencement ou la coordination des influences planétaires, mais qui est définie et qui est en collaboration parfaite avec la sensibilité de notre être, l'intelligence de notre intelligence et la capacité d'absorption que nous avons sur le plan émotif d'absorber cette énergie extrêmement puissante qui est la volonté cosmique. La vibration fondamentale, la vibration de vie, parce que c'est une vibration de vie, la vibration maîtresse, la vibration clé de l'homme, la vibration cosmique de l'homme, elle est directement proportionnelle à sa capacité de se désintoxiquer au fur et à mesure qu'il avance dans la vie de tous les aspects qui lui sont imposés par sa mémoire et qui voilent la définition même de la vie dont lui veut se donner à cause de certaines émotivités, de certaines émotions, de certaines attitudes, de certaines habitudes qui font partie de son caractère et de son tempérament. L'homme qui entre dans la vibration maîtresse doit être capable de trancher sur le champ l'effet, l'influence de son tempérament sur son caractère. Il doit être capable de vivre simplement de son caractère et de mettre complètement à la porte de sa vie son tempérament, parce que le tempérament est déterminé par les positions planétaires, tandis que le caractère est déterminé par l'expérience évolutive de l'âme, et éventuellement, lorsque le tempérament est réduit à rien parce qu'il a été éliminé par la force de la souffrance, il reste dans l'homme simplement le caractère, et lorsque l'homme vit simplement de son caractère, il vit de l'énergie de l'âme, il ne vit plus de la mémoire de l'âme. Mais pour que l'homme détruise la mémoire de l'âme et pour que l'homme réduise à rien le tempérament pour ne vivre que de l'énergie du caractère qui essentiellement est l'extraction de la mémoire de l'âme, lui laissant simplement l'énergie de l'âme, il est obligé de vivre et de connaître et de subir le choc terrible qui vient de la perforation dans ses principes inférieurs de l'énergie de cette vibration maîtresse qui coïncide avec l'intention de l'ajusteur de pensée, mais toujours selon ça, je peux pas vous dire tout de suite, mais vous dire un petit peu plus tard ça, parce que je veux pas avancer trop vite là. Mais pour le moment, je vais vous dire que ça coïncide avec l'intention de l'ajusteur de pensée. Mais il y a une raison importante pour que je vous le dis pas, parce que je veux éventuellement éliminer des aspects de la spiritualité qui coïncident avec votre psychologie pour vous faire comprendre la nécessité d'éventuellement de détruire votre psychologie pour éventuellement pouvoir vous confronter avec la nature même de votre réel mental qui fait partie de la nature même de l'intelligence cosmique, qui fait partie de la nature même de la relation entre votre intelligence et l'intelligence cosmique pour que vous puissiez éventuellement commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que je veux dire par la découverte chez l'homme de l'intégration parfaite de l'intelligence pour que vous puissiez éventuellement comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, non pas dans le sens que vous l'avez compris dans le passé, mais dans un sens neuf, c'est-à-dire dans un sens que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous commencez de plus en plus à comprendre ce que je dis, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous commencez à saisir vibratoirement ce que je dis, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous commencez à comprendre que ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais que ce que je veux dire, c'est quelque chose que vous allez découvrir quand vous allez passer par cette jonction entre la volonté cosmique et votre corps de désir. La vibration maîtresse. C'est une force dans l'homme qui ne vient pas du cosmos. La vibration maîtresse est une force dans l'homme qui ne vient pas du cosmos. L'homme n'est pas cosmique, il devient cosmique. Alors, ceux qui pensent que l'homme est cosmique sont totalement dans le faux, parce que l'homme n'est pas cosmique. Si l'homme était cosmique, l'homme aujourd'hui ne serait pas sur la Terre et nous n'aurions pas la civilisation que nous avons. Donc, l'homme n'est pas cosmique, l'homme est purement animal. Et quand je dis que l'homme est purement animal, je veux dire que l'homme possède en lui suffisamment de nature ancienne, c'est-à-dire suffisamment d'énergie qui fait partie de son évolution pour retarder la pénétration de cette énergie-là dans ses corps. Et automatiquement, l'homme n'est pas cosmique, c'est un homme incomplet, c'est un homme qui est effectivement un être animal, mais intelligent. L'homme doit devenir cosmique. Pour que l'homme devienne cosmique, il doit cesser d'être totalement animal et doit, si il doit maintenir la vibration qui est parallèle à l'ajustement et à la définition de la nature de la fonction de son corps astral sur le plan matériel, il doit le faire dans le cadre de l'intelligence et non plus dans le cadre du corps de désir, c'est-à-dire il ne peut plus être sujet à son émotivité astrale, il doit contrôler son énergie astrale et s'en servir avec l'intelligence de son intelligence pour balancer le terminal qui existe entre le plan inférieur qui est le matériel et le plan supérieur en lui qui est le premier des plans de sa conscience éventuel. Autrement dit, l'aspect cosmique et l'aspect matériel de l'homme. Les sept plans doivent être réunis. L'homme doit réunir les sept plans. L'homme n'a pas le temps d'attendre dans 2000 ans, puis dans 3000 ans, puis dans 15000 ans pour vivre des sept plans. Même si l'homme ne peut pas aujourd'hui, ou dans l'évolution de la nouvelle race, vivre du sixième et du septième plan, l'homme pourra connaître au niveau de la sixième race l'effet, la réduction, le réductionnisme de l'énergie qui fait partie des autres plans, même s'il ne peut pas vivre au niveau expérientiel de l'activité de ces plans-là en fonction de sa mémoire, parce que l'homme ne pourra pas aller plus vite que le temps, parce que le temps est déjà déterminé dans la conscience atomique de l'humanité et ne peut pas révéler à l'humanité des aspects du savoir, des aspects de la créativité, des aspects de l'intelligence, plus vite que les besoins de l'humanité le feront connaître. Mais l'homme doit, l'homme nouveau, l'homme, l'évolution, l'homme qui entre dans l'évolution, devra être capable de bénéficier dans l'instantané, au niveau de l'énergie, de la vibration maîtresse, de cette concentration d'énergie qui affecte le matériel, le vital, l'émotionnel, le mental et les trois autres plans qui sont en dehors de sa nature animale et qui coïncident avec ce qu'on appelle l'aspect trinitaire de l'homme. Lorsque l'homme aura vécu et connu et reconnu et saisi ceci, à ce moment-là, il ne sera plus planétaire, il ne sera plus animal, il pourra se servir du planétaire, il pourra se servir de l'animal, mais toujours dans le cadre de l'intelligence, et à ce moment-là, l'homme aura commencé à établir le premier contact entre le plan le plus haut de son essentialité, c'est-à-dire le plan qui est en dehors du temps, et les plans les plus bas de son essentialité, qui sont à l'intérieur du temps, c'est-à-dire dans l'espace, et l'homme, à ce moment-là, tout ce qu'il fera servira à construire vibratoirement ses principes inférieurs et permettra éventuellement qu'il puisse reconnaître, comprendre, saisir, voir et pouvoir réaliser ce qu'il est essentiellement. Et ce que l'homme est essentiellement, c'est quelque chose qui est vibratoire, c'est quelque chose qui est énergétique, c'est quelque chose qui n'est pas psychologique, c'est quelque chose qui n'est pas symbolique, c'est quelque chose qui se fout du symbole et de la psychologie et de la philosophie. Ce que l'homme est essentiellement, c'est l'application, c'est la descente dans ses principes inférieurs d'une énergie fondamentale que j'appelle la vibration maîtresse, qui est l'application de la volonté cosmique sur les plans inférieurs, mais qui est aussi la construction dans le temps du rapport entre le corps de désir et cette vibration qui donne dans l'homme ou chez l'homme la souffrance. Mais la souffrance doit être comprise d'une façon extrêmement précise et d'une façon extrêmement catégorique parce que ceux qui vont aller vers la conscience cosmique la vivront, cette souffrance-là, même si elle n'a jamais été définie et même si elle n'a jamais été expliquée à l'homme, elle sera vécue par l'homme. Et la raison pour laquelle elle n'a jamais été définie ou expliquée, c'est parce que tu peux la connaître, la comprendre, cette souffrance, que lorsque tu es dedans. Mais je veux en parler de cette souffrance parce qu'elle coïncide avec la vibration maîtresse. Quand l'homme commence à faire le contact entre ses plans inférieurs, autrement dit, quand l'homme commence à vivre du choc vibratoire entre la vibration maîtresse, qui est la vibration de ce qu'on appelle nous autres pour le moment la volonté cosmique sur son corps de désir, l'homme subit une tension vibratoire, l'homme subit une paralysie. Et cette paralysie, qui est au niveau de sa conscience, est le résultat du choc de cette vibration maîtresse avec ses principes inférieurs. Et c'est ce choc, c'est cette condition, c'est cette paralysie, c'est ce gel, c'est cette enveloppe qui s'impose sur lui, qui le barre, contre lequel il peut rien, qui est et qui doit être comprise par l'homme d'une façon parfaite. C'est-à-dire que l'homme doit réaliser que quand il est dans cette énergie-là, il n'y a rien à faire. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a rien à faire, parce qu'aussitôt qu'il va avoir compris qu'il n'y a rien à faire, là, il va commencer à réaliser qu'il y a quelque chose à faire. Mais il faut qu'il comprenne d'abord qu'il n'y a rien à faire. Parce que quand il va vivre cette énergie-là, qu'il va comprendre qu'il n'y a rien à faire, à ce moment-là, le corps de désir, qui est la partie animale de l'homme, va se déplacer. C'est-à-dire que le corps de désir va commencer à se réajuster. C'est-à-dire qu'il va commencer à prendre moins de place dans la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il va commencer à renier sa fonction. C'est-à-dire qu'il va commencer à perdre sa fonction. C'est-à-dire qu'éventuellement, l'homme n'en aura plus de besoin. C'est-à-dire qu'éventuellement, l'homme n'en ayant plus de besoin sera capable de subir la temporanéité de ce choc-là, de cette paralysie-là, et de la vivre, cette paralysie-là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais de ne plus souffrir de la paralysie, mais de simplement souffrir de l'état paralysant. Et c'est cet état paralysant-là qui est la pénétration de cette énergie dans l'homme, et c'est de cet état que deviendra, ou d'où prendra origine, l'intelligence de l'homme. Autrement dit, l'homme deviendra intelligent dans le sens que j'en parle, lorsqu'il aura vécu, qu'il aura connu, qu'il aura compris, qu'il aura survécu à la paralysie de cette vibration maîtresse sur son corps de désir. C'est à partir de ce moment-là que l'homme devient intelligent, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'homme, lorsqu'il est sorti de la paralysie, a la mémoire de la paralysie. Et c'est en ayant la mémoire de la paralysie qu'il objectifie ses activités humaines. Autrement dit, c'est à partir du moment où il est capable de sortir de cette paralysie-là, Autrement dit, à partir du moment où il est capable d'être actif en dehors de cette paralysie-là, que l'homme crée une autre vibration, et c'est une vibration de l'intelligence qu'il crée, et c'est à ce moment-là qu'il commence à créer son avenir, et c'est à ce moment-là qu'il peut commencer à projeter ce qu'il veut faire dans 5 ans, puis dans 10 ans, ou dans 15 ans. Avant ça, il n'est pas intelligent. Il est simplement sensitif, il est simplement communicatif, il est simplement spirituel, il est simplement, comme tous les hommes, bien que plus avancé, capable de communiquer avec l'intelligence universelle. Mais c'est pas assez pour l'homme de communiquer avec l'intelligence universelle parce que l'homme comprendra et saura un jour qu'il n'a pas besoin d'intelligence universelle. Parce que l'intelligence universelle, c'est une condition vibratoire de l'intelligence cosmique. Et l'homme n'a pas besoin d'intelligence universelle parce qu'il est déjà dans la conscience atomique de l'intelligence cosmique. Et c'est au niveau de la conscience atomique de l'intelligence cosmique que l'homme doit, tant qu'il est en dedans, de l'évolution jupitérienne, il est obligé d'assumer sur le plan matériel pour défoncer et détruire l'astralité de son corps de désir, il est obligé d'assumer une capacité de violer les lois cosmiques et il les viole en assumant sur le plan matériel, à l'intérieur de sa souffrance, des conditions psychologiques qui défont le symbolisme philosophique, spirituel, ésotérique, autrement dit le symbolisme de la pensée et qui détruit complètement les nœuds entre son passé et son avenir. Alors, l'homme, pour commencer à être intelligent dans le sens que j'en parle, il doit sortir de l'intelligence. L'homme doit sortir de l'intelligence pour commencer à être intelligent, puis c'est très subtil ce que je vous dis là, puis c'est très réel, et ça se sait quand ça se sait. L'homme doit sortir de l'intelligence pour commencer à être intelligent. C'est pour ça qu'à un certain moment, l'homme ne cherchera plus la connaissance. À un certain moment, l'homme ne cherchera plus à communiquer. À un certain moment, l'homme ne sera plus intéressé à communiquer avec l'ajusteur de pensée. Quand l'homme sera plus intéressé à communiquer avec l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, il aura assumé sur lui-même, au niveau mental, émotionnel, vital et physique, le contrôle de l'énergie cosmique en ayant été capable de supporter le contact vibratoire entre la vibration maîtresse qui vient de la volonté, de cette maudite volonté puissante sur son corps de désir. L'homme est un être assiégé. L'homme est une forteresse et la forteresse de l'homme, elle est assiégée par des forces extérieures qui sont inimiques à l'homme. Les forces extérieures sont inimiques à l'homme et quand je dis que les forces extérieures sont inimiques à l'homme, je dis que toutes les forces intelligentes dans le cosmos sont anti-hommes et sont inimiques à l'homme, même les forces qu'on appelle nous autres les ajusteurs de pensée. Autrement dit, l'ajusteur de pensée, c'est un ennemi temporel de l'homme et éventuellement, l'ajusteur de pensée doit être détruit dans la conscience humaine pour que l'homme éventuellement ait accès à la conscience atomique. Quand je dis que l'ajusteur de pensée est inimique à l'homme, je dis tout. L'ajusteur de pensée est inimique à l'homme et éventuellement l'ajusteur de pensée doit être rejeté dans la convention psychologique de son rapport avec l'homme, soit spirituel ou philosophique ou métaphysique. Ce qui amène l'homme éventuellement à ne plus pouvoir penser, à ne plus pouvoir penser, et à ne plus pouvoir penser, et à ne plus pouvoir penser. Quand l'homme ne peut plus penser, il ne veut plus penser, puis quand il ne veut plus penser, il n'a plus besoin de penser, puis quand il n'a plus besoin de penser, il crée, puis quand il crée, il est seul, puis quand il est seul, il est bien, puis quand il est bien, il est bien. Ça se discute pas. Ça se discute plus. L'homme doit rentrer dans l'intelligence de l'intelligence. L'intelligence de l'intelligence, c'est l'intelligence de l'homme vis-à-vis de l'intelligence cosmique. L'intelligence de l'homme vis-à-vis de l'intelligence cosmique, elle est parfaite. L'intelligence de l'homme vis-à-vis de l'intelligence universelle, elle est imparfaite. Et ce que l'homme a besoin, c'est de l'intelligence cosmique. Il n'a pas besoin d'intelligence universelle parce qu'il est dans une forme matérielle, autrement dit, il est soumis aux lois de temporalité. Il est soumis aux lois du temps. Et comme il est soumis aux lois du temps, il a besoin d'une intelligence cosmique, mais il n'a pas besoin d'intelligence universelle. Autrement dit, il n'a pas besoin de tout savoir. Mais il a besoin de savoir ce qu'il a besoin de savoir. Et ce qu'il a besoin de savoir, c'est ce qu'il dit. Un point, c'est tout. C'est ce qu'il dit qu'il a besoin de savoir. Il n'a pas besoin de savoir d'autre chose. Mais l'homme a été depuis très longtemps dans l'illusion qu'il a besoin de savoir tout. Mais ça fait partie de son illusion. Un jour, il comprendra qu'il n'a pas besoin de savoir rien que ce qu'il dit. Il a besoin de savoir rien que ce qu'il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir rien que ce qu'il sait. Il a besoin de savoir rien que ce qu'il canalise. Il a besoin de savoir seulement une chose, c'est que tout ce qu'il fait, c'est correct. Mais pour qu'il sache que tout ce qu'il fait, c'est correct, faut qu'il soit suffisamment intelligent de l'intelligence pour réaliser que tout ce qu'il fait, il le fait avec volonté, selon sa capacité de subir le choc de la vibration maîtresse, qui est le contact entre ce qu'on appelle la volonté cosmique ou la volonté des ajusteurs de pensée et son corps de désir. La plus grande barrière de l'homme contre son intelligence cosmique, c'est son corps de désir, parce que son corps de désir lui rappelle constamment qu'il est un. C'est son corps de désir qui lui rappelle constamment qu'il est homme, et homme doit un jour oublier qu'il est homme et ne vivre que d'un état d'esprit qui coïncide avec un mental, un émotionnel, un vital et un physique. Mais tant que l'homme pense qu'il est homme et qu'il n'a pas oublié qu'il est homme, il est incomplet et automatiquement, il n'y a pas d'intelligence cosmique, il y a simplement une intelligence spirituelle. Puis s'il y a une intelligence spirituelle, il ne veut pas aller nulle part. Parce que l'intelligence spirituelle a été donnée à l'homme pour le spiritualiser, c'est-à-dire pour lui donner une certaine astralité, c'est-à-dire pour lui donner une certaine ambition spirituelle, c'est-à-dire pour développer en lui une certaine psychologie, c'est-à-dire pour l'amener éventuellement une certaine philosophie, c'est-à-dire pour éventuellement étreindre suffisamment son mental pour qu'il ne puisse jamais en sortir sans l'aide d'autres êtres qui viennent sur des planètes, des êtres descendants qui connaissent et qui comprennent les lois de l'intelligence cosmique et qui peuvent canaliser l'énergie de l'intelligence universelle. La vibration maîtresse de l'homme. La vibration maîtresse de l'homme coïncide avec ce que j'appelle entre parenthèses, puis je le dis bien entre parenthèses parce que je suis obligé de me servir du mot, puis je veux pas que les gens pensent que c'est le mot qui a déjà été employé. La vibration maîtresse de l'homme coïncide avec ce que j'appelle la réalisation de l'intelligence. Et la réalisation de l'intelligence est un processus vibratoire qui permet à l'homme, au fur et à mesure qu'il arrive, qu'il entre dans cette réalisation, de coïncider son présent, avec son intelligence. Tout le temps. Pas de temps en temps. Mais tout le temps. Ça veut dire qu'il faut que l'homme en arrive à être dans... Hey, intelligent tout le temps, mais pas de temps en temps. Et pour que l'homme en arrive à être intelligent tout le temps, il faut qu'il comprenne d'abord que l'intelligence, c'est pas ce qu'il pense. Que l'intelligence, c'est d'autres choses. Que l'intelligence, c'est vibratoire. Que l'intelligence, c'est le résultat du contact entre l'énergie de la volonté cosmique et son corps de désir. Cherchez pas plus loin, c'est pas plus que ça. L'intelligence, c'est le résultat chez l'homme, ce que ça fait chez l'homme, ce que ça déchaîne chez l'homme, ce contact entre la volonté cosmique et son corps de désir. Autrement dit, si je fais une équation, je dis l'intelligence cosmique de l'homme égale choc créé par la volonté cosmique contre son corps de désir. Et cette intelligence grandit et elle n'a pas de fin. Et tant que l'homme est dans la matière, cette intelligence doit s'ajuster. C'est-à-dire que tant que l'homme sera dans la matière, il sera obligé à un niveau quelconque étant plus préparée qu'avant. Mais tant qu'elle sera dans la matière, l'homme sera obligé de souffrir, ici et là, dans des conditions qu'il pourra de plus en plus contourner, mais qu'il ne pourra jamais totalement éviter. Il sera obligé de souffrir le contact entre cette énergie et son condamnation. Parce que la vie terrestre n'est pas faite pour l'homme. La vie terrestre a été faite pour l'animal. Homme. Et les conditions de la vie terrestre sont des conditions extrêmement impures, c'est-à-dire ce sont des conditions qui permettent à des intelligences dans d'autres plans parallèles, dans d'autres mondes, de bénéficier de l'évolution de l'homme, de l'involution de l'homme. Autrement dit, l'homme est sur la terre pour le bénéfice des autres, il n'est pas sur la terre pour son bénéfice à lui. L'homme sera sur la terre pour son bénéfice à lui quand il sera dans les terres. D'ici à ce temps-là, il est pour le bénéfice des autres, et c'est pour ça que l'homme doit, à la fin du 20e siècle, commencer à comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence de l'intelligence, et cesser de vouloir être intelligent. L'homme sera intelligent réellement quand il sera intelligent dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il comprendra l'intelligence de l'intelligence, et qu'il réalisera qu'il sera et qu'il sera capable, par lui-même, par ses propres moyens à lui, par sa propre vibration, de subir le choc vibratoire entre la volonté et son corps de désir. Et à ce moment-là, la réaction, le résidu, l'effet de ça sera son intelligence et elle se manifestera, cette intelligence, sans son appui égoïque, sans son appui personnel. Mais elle sera totalement centrée sur sa capacité de résonance, c'est-à-dire sur sa capacité de sentir mentalement, émotivement, vitalement et physiquement cette énergie qui aura été construit en lui à cause du choc entre la volonté cosmique et son corps de désir. De sorte que l'homme n'a pas besoin de s'intéresser ou de s'inquiéter de l'intelligence. L'intelligence, ça se développe comme une plante. Mais au lieu qu'elle se développe sous le soleil, elle se développe dans la tempête. Pourquoi le phénomène de fusion? Pourquoi les mortels doivent fusionner dans le temps? Pourquoi? Les mortels doivent fusionner parce que tant qu'ils ne fusionnent pas, ils sont sujets aux lois de la vie. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fusionnent, les mortels. Ils sont sujets aux lois de la vie, ils sont sujets aux lois planétaires. Et lorsqu'ils fusionnent, ils ne sont plus sujets aux lois planétaires, et à ce moment-là, l'homme est homme. Il se sait homme. Il se sait. Il est. Point final. Il n'y a plus d'autres catégories dans son esprit qui le prédispose à se sentir autrement que ce qu'il manifeste. C'est pour ça la fusion. Dans les livres, dans les traités, on parle de la fusion comme si ils nous font une faveur, ces sacrements-là en haut. Ils nous font pas de faveur en haut. Puis quand les hommes seront arrivés à un point dans leur vie qu'ils n'auront plus besoin de lire, ils commenceront à savoir par eux-mêmes ce qu'ils ont à savoir. En attendant qu'ils continuent à lire. Et tant que l'homme aura besoin de lire quelque chose, il sera esclave de l'intelligence dans le cosmos, à un niveau quelconque. L'homme n'a pas besoin de lire, surtout quand il fusionne ou qu'il va vers la fusion. Parce que déjà, il entre dans son intelligence cosmique et déjà, il est nourri par l'intelligence universelle. Qu'est-ce que ça veut dire être nourri par l'intelligence universelle? Ça veut dire, ça permet à son intelligence cosmique d'être présente dans tous les domaines de l'activité humaine, que ce soit sur le plan matériel ou sur les autres plans, d'être présente à son esprit quand il en a besoin pour construire des formes nouvelles, pour l'évolution de la race humaine. C'est ça que ça veut dire, l'intelligence universelle. Et l'intelligence universelle, c'est simplement de l'énergie, tandis que l'intelligence cosmique, c'est le pouvoir de l'énergie. Mais le pouvoir de l'énergie n'est manifesté que lorsque l'homme subit le choc de la vibration de la volonté contre son corps de désir. Il n'y a pas de pouvoir dans l'énergie. Le pouvoir de l'énergie ne se manifeste que lorsqu'il est soumis aux lois de l'action et de la réaction. Et la loi d'action et de réaction, c'est une loi fondamentale dans le cosmos parce que c'est une loi qui permet au système inférieur de devenir plus parfait. Si la loi d'action et de réaction n'existait pas, l'univers matériel n'existerait pas, les univers n'existeraient pas. Alors, la loi d'action et de réaction, c'est une loi importante parce que c'est une loi qui permet à l'énergie de rencontrer, sur un plan quelconque, des plans denses. Et en rencontrant ces plans denses-là, elle réagit. Et en réagissant, elle crée. Et en créant, elle permet qu'il y ait évolution. Alors, ce qui est important pour l'homme, c'est pas l'intelligence universelle, c'est l'intelligence cosmique. Mais l'intelligence cosmique, elle est toujours en relation avec l'intelligence universelle qui est de l'énergie. Et elle sert là. L'intelligence universelle ne peut pas créer des mondes où il y a de l'intelligence en évolution. L'intelligence universelle ne peut que créer des conditions où des mondes s'exécutent, deviennent, à cause de son contact énergétique avec ses plans inférieurs. C'est pour ça que c'est important pour l'homme de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Et de réaliser que de l'intelligence, c'est de l'énergie, mais c'est pas assez. Faut que l'homme en arrive éventuellement à comprendre l'intelligence de l'intelligence. Autrement dit, comprendre le rapport entre l'intelligence cosmique et l'intelligence universelle, c'est-à-dire comprendre le rapport entre sa pleine liberté et son pouvoir d'agir et son pouvoir de parler. Le pouvoir de sa parole et le pouvoir de son action. L'homme a deux pouvoirs. Soit par la parole ou par l'action. Il faut que l'homme réagisse, il faut que l'homme connaisse, il faut que l'homme vive de ces deux pouvoirs. Il ne peut pas vivre simplement du pouvoir de la parole ou simplement du pouvoir de l'action. Il doit avoir les deux en lui. Là, je vais reculer un petit peu dans ma jasette là, pour vous parler de quelque chose qui coïncide avec ce que je vous parle. Je donne des exemples graphiques simples. Si vous n'avez pas de job, vous n'avez plus d'argent, vous pouvez payer votre loyer, faites des mouvements. Autrement dit, courez votre cul. Restez pas sur votre chaise, puis attendez qu'eux autres en haut vous aillent. Parce que vous allez attendre longtemps, maudit. Faites des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire, faire un mouvement? Ça veut dire, prends presse, prends Montréal le matin, prends une petite marche, parle à quelqu'un, va en ville, va voir ton ancien boss, fais des mouvements et occupe-toi pas si tu vas l'avoir la crise de job ou non. Parce qu'aussitôt que tu fais un mouvement, la job, tu l'engendres. Faites des mouvements. Les gens s'occupent. S'ils vont l'avoir la job ou s'ils l'auront pas la job, tant que vous allez voir l'avoir la job, vous l'aurez pas la job. C'est même de même. Quand tu vas l'avoir la job, là, tu vas l'avoir 5 tout d'un coup, c'est de même, ça marche. Faites des mouvements. Mêlez-vous de vos affaires, occupez-vous pas. Faites des mouvements. Éventuellement, vous allez trouver votre job. Et faites des mouvements. Si vous ne faites pas de mouvements, puis vous pensez que ces chiens-là en haut vont vous faire gagner l'Auto-Québec, j'ai des petites crises de levain pour ça. Mais ça, c'est votre expérience. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Tant que vous êtes sur le plan matériel, vous allez devoir travailler. Plus vous allez devenir intelligent, moins vous allez avoir à travailler comme avant. Vous allez travailler dans une autre façon, d'une autre façon. Ce ne sera plus un travail onéreux. Ça va être un travail plaisant pour vous autres. Parce que les conditions psychiques, vibratoires et psychologiques seront hautes. Vous créerez vos propres conditions de travail. Mais avant que vous en arriviez à ça, vous êtes mieux à être intelligent parce que vous êtes intelligent après ça. Fait qu'en attendant, si vous n'avez pas de job, trouvez-vous un. Il n'y a qu'une façon de faire. Faites des mouvements. Mais l'homme, il apprend seulement par expérience. Par expérience. Ça peut être long, l'expérience. Ça vous prend 3 ans pour comprendre quelque chose. C'est bon que je vous le dise pour réduire le temps, parce que vous allez en perdre de l'énergie. C'est de même, ça marche. Ce que je vous dis dans les cassettes, c'est de même, ça marche. Comment ça vous prendrait 10 ans pour le comprendre? Vous allez voir, c'est de même, ça marche. Fait que si je vous le dis, faites des mouvements. Faites des mouvements. Apprenez à faire des mouvements. Tout le temps. Quand vous êtes chez vous, vous ennuyez, vous trouvez ça plate, faites des mouvements, sortez de la maison, allez à côté, ben achetez-vous des patates frites. Vous allez rebalancer vos vibrations. Les gens ne savent pas balancer leurs vibrations. Quand l'énergie descend, puis s'attaque à votre corps de désir, naturellement, vous avez des tensions. Mais c'est parce que vous ne savez pas balancer vos vibrations. Quand vous saurez balancer vos vibrations, automatiquement, vous serez correct. Ça recommencera, puis vous serez correct en gros ensuite, parce que vous saurez quoi faire. Apprenez à savoir comment balancer vos vibrations. Ça fait partie de l'intelligence, balancer ses vibrations. Sans ça, ils vont vous accrocher là-dedans. Puis plus ils vont vous avancer, plus la fusion va être grande, plus ils vont vous accrocher, fait que plus vous allez trouver ça tough en maudit. Il n'y a pas de raison que vous souffriez trop, vous autres. Il n'y a pas de maudite raison. Si vous souffrez, c'est parce que vous ne savez pas comment vous organiser. Moi, il y a une raison que je souffre, pas vous autres. Lancez-le un union. Veux-tu des exploits dans le coin? Une grande différence. Mandant à Gisèle, je peux avoir mes exports. Ils sont dans mon code, dans mon. Non, c'est pas assez fort. Ça, c'est comme faire l'amour et arrêter 2000 de pratique. Dans mon code, dans mon imperméable. Des fils. Merci. Ah, des fils. Pas des vrais. C'est très important pour l'homme de comprendre que la vie ne peut pas lui faire de faveur. Parce que la vie, c'est une force intelligente qui ne fait que construire des conditions d'évolution sur des plans inférieurs. Alors, la vie ne peut pas faire de faveur à l'homme, même si vous gagnez un loto au Québec. La vie ne vous fait pas de faveur. C'est quelque chose qui va vous servir dans votre expérience. La vie ne fait et n'a jamais fait à l'homme de faveur. Et c'est très important que l'homme comprenne ça. Parce que tant que l'homme ne comprend pas ça, il n'est pas dans l'intelligence de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, la vie. Et s'il ne sait pas comment ça fonctionne, la vie, il ne peut jamais créer son avenir. Il va vivre un futur quelconque. Avec son Loto-Québec. Mais il ne pourra pas créer son avenir. Et ce n'est que lorsque l'homme crée son avenir qu'il bénéficie de la vie. Et pour que l'homme crée son avenir, il faut qu'il ait subi le choc entre la volonté et son corps de désir, qui lui donne une pulsion, qui lui donne une volonté, qui lui donne une intelligence, qui est irréductible, qui est inaltérable, qui est ininfluençable, qui est du rock. C'est avec ça qu'il crée sa vie, là. On est au début de la compréhension des lois de la vie dans notre système solaire. On est au début.